politicien, magicien, transformateur de tous nos liens. Épargnez-nous de vos labeurs, laissez tranquille nos âmes, nos cœurs, explorateurs menteurs. À l'heure où tout le monde meurt, qu'adviendra-t-il des sentiments si on néglige l'amour des gens? Et que restera-t-il à nos enfants si l'on ne change pas le cours du temps? Monopoly perdant, on avait tout pourtant. Faudrait pas croire que ces gens font semblant. Ils seront bien là pour vous surprendre. Alors, rapprochez-vous, j'ai un message pour vous. Autour de vous se cachent encore des fous. Nouveau millénaire, changez toutes les méthodes anciennes pour innover leur vie ancienne. Explorateurs sans heure, qui tente le coup quand même. Faudrait pas croire que ces gens font semblant. Ils seront bien là pour vous surprendre. Alors, rapprochez-vous, j'ai un message pour vous. Cache encore des fous. Faudrait pas croire que ces gens font semblant. Ils seront bien là pour vous surprendre. Alors, rapprochez-vous, j'ai un message pour vous. Autour, autour, autour de vous.